الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. Continue l'explication du livre تيسير العلام، شرح عمدة الأحكام. Donc عمدة الأحكام qui sont à peu près un peu plus de 400 hadiths sur les jugements islamiques. Donc c'est un livre dans lequel l'auteur الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله cite tous ces hadiths dont l'on comprend et dont l'on puise de nombreux jugements juridiques, et l'on est entré récemment dans le chapitre ou dans le livre du pèlerinage. Et la particularité de Taysir al-Alam, c'est que la quasi-totalité des hadiths rapportés sont soit rapportés par l'imam al-Bukhari, soit rapportés par l'imam muslim, ou soit rapporté par les deux. Lors du dernier cours, on avait terminé d'expliquer le hadith d'Abdullah ibn Abbas et le hadith d'Abdullah ibn Omar sur les mawaqit, sur les délimitations terrestres. C'est ça, hein? طيب ثم قال المؤلف باب ما يلبسه المحرم من الثياب. Le chapitre des vêtements que porte le muhrim. Le muhrim qui est l'homme ou la femme en état de sacralisation. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب أربعة أحاديث، الأول والثاني في بيان ما يلبسه المحرم من الثياب وما يجتنبه، والثالث في بيان التلبية وسأفرده بباب، والرابع في بيان حكم سفر المرأة بلا محرم وسأفرده بباب أيضا، ليتبين من تعدد التراجم ما في الأحاديث من الأحكام. والمؤلف أخذ الترجمة من السؤال الذي في الحديث. Donc l'imam Cheikh al-Bassam رحمه الله dit que l'auteur الحافظ عبد الغني رحمه الله a cité dans ce chapitre, donc le chapitre de ce que porte celui qui est en état de sacralisation comme vêtement. Il a cité dans ce chapitre quatre hadiths. Le premier et le deuxième expliquent ce que porte la personne en état de sacralisation comme vêtement et ce dont il se doit de s'abstenir. Le troisième hadith sur l'explication de la talbiya. Et Cheikh al-Bassam dit, et je le citerai dans un chapitre à part entière. Le quatrième hadith sur le jugement pour la femme de voyager sans tuteur. Et celui-ci également, ce hadith également, je le citerai dans un chapitre à part entière. Et Cheikh al-Bassam dit, il a rajouté des chapitres, en plus des chapitres qu'a cité al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi, afin de montrer tous les jugements qu'il y a dans ces hadiths. Puis il dit, rahmahullah, que Al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi a donné ce nom à ce chapitre, le chapitre de ce que porte le muhrim comme vêtement, qu'il a pris le nom de ce chapitre du hadith que l'on va citer, le hadith d'Abdullah ibn Omar. Al-Hadith al-Tasi'u ba'd al-Mi'atayn, le 209e hadith. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. رواه البخاري ومسلم وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. Le 209e hadith, qui est le hadith d'Abdullah ibn Omar radiyallahu anhum, qui dit qu'un homme a dit, ô envoyé d'Allah, qu'est-ce que le muhrim porte comme vêtement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne porte pas de khamis, ni de turban, ni de pantalon, ni de baranis. Et l'on verra ce que signifie baranis. ni de chaussons, sauf une personne qui ne trouve pas de sandales alors qu'il porte les chaussons et qu'il les découpe pour qu'ils arrivent en dessous des chevilles. Et qu'il ne porte pas de vêtements imprégnés par du safran ou du wars. Et l'on verra ce que c'est le wars. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim, et dans la version de Al-Bukhari, est que la femme ne porte pas de niqab et qu'elle ne porte pas de gants. Al-Gharib, les termes qui méritent explication. Al-Sarawil, yudhakkaru wa yu'annath, wa huwa mufradun ala sighati al-jam' wa jam'uhu al-Sarawilat, wa hiya lafzatun a'jamiyatun urribat. Cheikh Al-Bassam dit al-Sarawil pour expliquer ce terme que le professeur Sam a dit, voilà al-Sarawilat. Al-Sarawil, qui est un nom qui peut être à la fois masculin et féminin. Et Cheikh Al-Bassam dit al-Sarawil, c'est un nom singulier mais qui a la forme du pluriel. Et le pluriel de al-Sarawil, c'est al-Sarawilat. Et c'est un nom à la base qui n'est pas arabe, mais qui a été arabisé. Et l'avis qu'a cité Cheikh Al-Bassam ici, c'est l'avis d'un grand savant de la langue arabe appelé Sibawayh. Et il y a un autre avis des gens des savants de la langue arabe, que le mot Sarawil, c'est le pluriel de Sirwel. C'est le pluriel de Sirwel. Et que Sarawilat, c'est le pluriel du pluriel. Jam'ul Jam'. Donc il y a deux avis qui se dégagent des savants de la langue arabe. Le premier, l'avis cité par Cheikh Al-Bassam, à savoir que Sirwel, c'est le singulier. Et le pluriel, c'est Sarawilat. Et l'autre avis, al-Sarawil, c'est le pluriel de Sirwal. Et al-Sarawilat, c'est le pluriel du pluriel. ثم قال ثانيا البرانس جمع برنس ثوب رأسه منه ملتزق به لباس للنساك في صدر الإسلام ويلبسه المغاربة الآن. البرانس qui est le pluriel de burnus. Qu'est-ce que le burnous? C'est ce vêtement dont la capuche fait partie. Donc c'est un vêtement dont la capuche en fait partie. Et c'est un vêtement que portaient les dévots, les adorateurs, au début de l'islam. Et ici, lorsque Cheikh Al-Bassam dit au début de l'islam, ce n'est pas au temps du prophète sallam ni au temps des compagnons, mais les époques qui ont suivi. Et il dit que c'est un vêtement que portent les Marocains à notre époque. C'est le nom qu'on connaît, ce vêtement auquel on donne le nom de jellaba. Je pense que chacun connaît la description. C'est une sorte de qamis avec la capuche qui est attachée et qui fait partie de ce vêtement. C'est al-burnus et le pluriel est baranis. Donc le professeur Assalam nous dit que la personne en état de sacralisation ne porte pas de djellaba. Al-khifaf bikasri al-kha jam'u khuffin bidammi al-kha wa huwa ma yulbasu fi ar-rijli wa yakunu ila nisf as-saq. أما الجوارب فما غطى الكعبين وحكمهما واحد ويأتي إن شاء الله. الخفاف للشوسون. الخفاف بكسر الخاء. qui est le pluriel de خوف. et c'est ce que l'on porte sur les pieds et qui arrive à la moitié du mi-mollet et qui arrive à la mi-mollet. Et ce qui est connu dans les livres d'arabe, c'est que Al-Khuf, c'est ce qui est en cuir. les chaussons et ce qui est en cuir, qu'il arrive à la mi-mollet ou bien qu'il arrive au-dessus de la cheville. Quant à al-jawarib, amma al-jawarib, quant aux chaussettes, c'est ce qui recouvre les chevilles. Et leur jugement est unique, c'est-à-dire le jugement des chaussons est le même que le jugement des chaussettes, à savoir qu'il n'est pas permis à celui qui est en état de sacralisation, et on verra par la suite que c'est les hommes, qu'il n'aurait pas permis de porter des chaussons ou des chaussettes. Massahu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qu'il ne porte pas un vêtement touché, c'est-à-dire imprégné. Warsun, بفتح الواو وإسكان الراء نبت أصفر يصبغ به الثياب وله رائحة طيبة. الورس, الشيخ بسام dit, avec la fatha sur le waw et le sukun sur le ra, qui est une plante jaune avec laquelle on teint les vêtements et qui a une odeur agréable. Et al-wars, sa traduction technique, c'est le mémécile tinctorial. Le mémécile tinctorial, qui est une plante et tinctorial justement, qui a pour sens que c'est une plante qui sert à teindre, qui sert à teindre, à donner une couleur aux vêtements ou autres. Sadisan al-za'faran, nabatun basaliyun mu'ammir, min al-fasilati السوسنية يصبغ به أيضا. الزعفران, qui est le safran. نبات بصلي معمر. Qui sait ce que ça veut dire, بصلي معمر? Celui qui sait, chapeau. Là, on rentre dans la botanique, là. نعم. بصلي معمر, c'est une plante bulbueuse, c'est-à-dire qu'il y a un bulbe et qui fleurit. C'est une plante bulbueuse florissante, c'est-à-dire sort du bulbe une plante. Et la plante qui sort de ce bulbe, c'est le crocus, qui est une fleur bleu-violette. Et le safran, c'est ces petits filaments qu'il y a à l'intérieur de cette fleur. Ces petits filaments qu'il y a à l'intérieur de cette fleur. Et Cheikh Al-Bassam dit, et cette plante fait partie de la famille des iridés. Et la plante la plus connue dans la famille des iridés, c'est l'iris. Et l'iris est une plante qui est violette et bleue, qui est utilisée pour également teindre. Et le safran est utilisé bien plus que pour teindre, pour parfumer et honnêtement, et aussi pour parfumer le corps, mais aussi pour parfumer les repas et les aliments. Et ils disent que un fil un fil de safran peut parfumer je ne sais pas combien de kilos de nourriture. Pour le vrai safran, l'original. سابعاً ولا تنتقب الانتقاب هو أن تخمر المرأة وجهها أو تغطيه بالخمار ولا وتجعل لعينيها خرقين تنظر منهما. Et dans la version de Bukhari, le professeur Hassan a dit ولا تنتقب المرأة, et que la femme ne fait pas l'intiqab. Et l'intiqab, c'est le fait que la femme cache son visage avec un voile et qu'elle laisse deux fentes ou deux trous pour ses yeux afin d'observer et de voir. Al-Qufazayn. Al-Qufazayn, qui est le duel de Qufaz, qui sont les gants. Et c'est ce qui est mis dans les mains ou sur les mains, comme tissu ou cuir ou autre. Donc, quelle que soit la nature des gants, ils sont considérés comme des gants. Qui protègent. نعم القفازين تثنية قفاز وهو شيء يعمل لليدين من خرق أو جلود أو غيرها يقيها من البرد وغيره على هيئة ما يجعله حامل البزات والصقور. Donc c'est le duel de قفاز qui est ce qui est mis dans les mains où les mains y sont insérées et les gants peuvent être de tissu, de cuir ou autre. Elles protègent, les gants protègent du froid et autres, comme ce que portent ceux qui apprivoisent ou ceux qui utilisent les buses et les aigles. Ou les fauconniers, par exemple, qui utilisent des gants en cuir pour se protéger de... des cerfs, na'am, des aigles, des faucons, des buses et autres. Tasi'an al-ka'bayn al-azman al-nati'an 'inda mafsal al-saq. Et al-ka'bayn, ce sont les deux os qui ressortent au niveau de l'articulation avec la jambe. Donc ce sont les deux os qu'il y a entre dans l'articulation de la jambe et du pied. Donc les deux os à droite et à gauche, ce sont les ka'bayn, les chevilles. المعنى الإجمالي. قد عرف الصحابة رضي الله عنهم أن للإحرام هيئة تخالف هيئة الإحلال. ولذا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء المباحة التي يلبسها المحرم. ولما كان من اللائق أن يكون السؤال عن الأشياء التي يجتنبها لأنها معدودة قليلة وقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم أجابه ببيان الأشياء التي يجتنبها المحرم ويبقى ما عداها على أصل الحل وبهذا يحصل العلم الكثير فأخذ صلى الله عليه وسلم يعد عليه ما يحرم على الرجل المحرم من اللباس منها بكل نوع منه على ما شبهه من أفراده فقال لا يلبس القميص وكلما فصل وخيط على قدر البدن ولا العمائم والبرانس وكلما يغطى به رأس ملاصقا له ولا السراويل وكلما غطى به ولو عضوا كالقفازين ونحوهما مخيطا أو محيطا ولا الخفاف ونحوهما مما يجعل برجلين ساترين للكعبين من قطن أو صوف أو جلد أو غير ذلك فمن لم يجد وقت إحرامه نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين ليكون على هيئة النعلين ثم زاد صلى الله عليه وسلم فوائد لم تكن في السؤال وإنما المقام يقتضيها فبين ما يحرم على المحرم مطلقا من ذكر أو أنثى فقال ولا يلبس شيئا من الثياب أو غيرها مخيطا أو غير مخيط إذا كان مطيبا بالزعفران أو الورس منبها بذلك على اجتناب أنواع الطيب ثم بين ما يجب على المرأة من تحريم تغطية وجهها وإدخال كفيها فيما يسترهما فقال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولا تلبس القفازين. Le sens général de ce hadith. Les compagnons رضي الله عنهم savaient que d'être en état de sacralisation impliquait le fait d'être dans une situation différente de celui qui n'est pas en état de sacralisation. C'est pour cela que un homme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'il est autorisé de porter en état d'ihram. Et parce que il aurait été plus judicieux que la question porte sur les choses dont doit s'abstenir celui qui est en état de sacralisation, car les choses dont il doit s'abstenir sont peu nombreuses, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal lui a accordé jawami'ul kalim, le fait de dire des paroles peu nombreuses, mais qui ont des sens innombrables. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal lui a donné cette faculté de dire peu de choses, mais qui ont de grands sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cet homme en lui expliquant les choses dont doit s'abstenir celui qui est en état de sacralisation. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبسه المحرم من الثياب. Qu'est-ce que celui qui est en état de sacralisation a le droit de porter? Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit لا يلبس القميص. Il ne porte pas le قميص. Donc si le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas répondu à la question de cet homme et a répondu par une meilleure réponse, et l'on verra par la suite pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu en lui expliquant les choses que celui qui est en état de sacralisation doit éviter, et que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura pas cité restera autorisé. Car la base, c'est l'autorisation, al-hil, jusqu'à la preuve du contraire. Et de cette façon, les gens peuvent comprendre beaucoup de choses. Lorsqu'ils seront confrontés à un vêtement, ils sauront s'il fait partie de ces vêtements qu'a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis alors à énumérer ce que l'homme n'a pas le droit de porter comme vêtements, en citant les différentes catégories, et que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit comme catégorie est bien tout ce qui lui ressemble et également interdit. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne porte pas le qamis, ainsi que tous les vêtements de la même catégorie. Qu'il ne porte pas le qamis, ainsi que tout ce qui est découpé ou cousu, épousant la forme du corps. Wala al-amaima wala al-baranis, ni les turbans, ni les djellabas, et tout ce qui couvre la tête en touchant celle-ci. Donc ce qui est interdit, c'est de couvrir la tête avec une chose qui touche la tête. Et on verra par la suite que, par exemple, utiliser un parasol n'est pas interdit. Car celui qui utilise un parasol, est-ce qu'il se couvre la tête? Oui ou non? Oui. Il se couvre la tête pour se préserver notamment des rayons du soleil. Mais le parasol étant au-dessus de sa tête, cela est autorisé. Il est donc interdit de couvrir sa tête avec une chose qui touche la tête. Voilà sarawil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit également les pantalons et tout ce que couvre le pantalon. Même si c'est un membre du corps comme les gants et similaires. Qu'il soit cousu ou qu'il soit enveloppé. Qu'il soit cousu ou qu'il soit enveloppé. Car certains portent des vêtements et se couvrent le corps en enveloppant. Il enveloppe ses bras, il enveloppe son corps, etc. Et il en fait un vêtement qui n'est pas forcément cousu. De même qu'il ne porte pas les chaussons et similaires. Tout ce qui couvre les pieds ainsi que les chevilles. Qu'il soit en coton, en laine, en cuir ou autre. Et celui qui, au moment où il est en état de sacralisation, ne trouve pas de sandales, car les sandales sont autorisées, alors qu'il porte des chaussons et qu'il les découpe pour qu'ils arrivent en dessous des chevilles, afin que ses chaussons ressemblent à des sandales. لِيَكُونَ عَلَى هَيْئَةِ النَّعْلَيْنِ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté des choses qui n'étaient pas citées dans la question. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a citées car la situation l'imposait. Il a informé sallallahu alayhi wa sallam d'une chose qui est interdite pour la personne en état de sacralisation, qu'il soit un homme ou une femme, et il a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne porte pas de vêtements ou autres, qui soient cousus ou non cousus, des vêtements parfumés par du safran ou du wars, qui est le mémécile tinctorial, pour montrer à travers cela que celui qui est en état de sacralisation se doit de s'abstenir de toute forme de parfum. Puis le prophète sallam a expliqué ce que la femme doit faire, et notamment qu'il lui est interdit de se couvrir le visage. Et ici, lorsque l'on parle de couvrir le visage, c'est couvrir le visage avec une chose qui est attachée sur la tête. Quant à une chose qui est rabattue, cela est autorisé. Lorsqu'une femme prend un long voile, par exemple, qu'elle rabat sur son visage, ce voile n'est pas attaché à sa tête. Il se rabat, cela est autorisé, et cela est même considéré obligatoire dans certains cas, selon l'avis de certains savants, lorsque la femme passe à proximité d'hommes étrangers. وَإِدْخَالُ كَفَيْهَا فِيمَا يَسْتُرُهُمَا. Et d'entrer ses mains dans ce qui les cache. Et cette parole de Cheikh al-Bassam, il ne faut pas la prendre de façon absolue. Car ce qu'il veut dire ici, rahimahullah, c'est de porter des gants. Et que la femme n'entre pas ses mains dans ce qui cacherait ses mains. Car si l'on prend cette parole de façon absolue, une femme qui, en état d'ihram, rentre sa main à l'intérieur de son jilbab, est-ce que c'est autorisé ou pas? Oui, c'est autorisé. Or, elle a caché ses mains. Mais ce qui est interdit, c'est de porter des gants. Quant au fait de rentrer sa main dans la poche du jilbab ou à l'intérieur du jilbab, cela n'entre pas dans l'interdit. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et que la femme ne porte pas de niqab et qu'elle ne porte pas de gants. ما يؤخذ من الحديث أولا إن السؤال ينبغي أن يكون متوجها إلى المقصود علمه. Premièrement, on retient ce hadith que la question doit être dirigée à celui qui a la réponse, à celui qui a la science. Et cet homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également que la question doit être formulée de telle sorte à obtenir la réponse que l'on souhaite. Lorsque tu veux poser une question, pose la question et va droit au but. Ne pose pas des questions qui tourne autour du but que tu recherches. ثانياً أنه ينبغي للمسؤول إذا رأى السؤال غير ملائم أن يعدله ويقيمه إلى المعنى المطلوب ويضرب صفحاً عن السؤال كقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Deuxièmement, qu'il est demandé à celui qui est questionné lorsqu'il constate que la question n'est pas appropriée. Il se doit alors de rectifier et d'apporter la réponse voulue en faisant abstraction de la question qui a été posée. Comme la parole d'Allah Azza wa Jal, es'alunaka 'anil ahilla, et il te questionne sur les nouvelles lunes. Dis, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj. Et aussi pour le hajj. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la question qui a été posée sur qu'est-ce que a le droit de porter celui qui est en état de sacralisation, c'était une question qui n'était pas appropriée car la réponse serait beaucoup trop longue. La réponse serait beaucoup trop longue et également cela amènerait au fait que à chaque fois que tu vas vouloir porter quelque chose, s'il ne fait pas partie de la liste que le professeur Hassam a autorisée, alors tu vas devoir demander le jugement. Et ainsi de suite, même pour des choses futiles, des choses qui n'ont pas d'importance, eh bien, tu devras poser la question car elle ne fait pas partie de la liste que le professeur Hassam aurait citée. Donc la question n'était pas appropriée. Le professeur Hassam a mis de côté cette question et a répondu à cet homme en donnant les interdits. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et ainsi, doit faire celui qui est questionné lorsqu'il sait que la question qui lui a été posée n'est pas appropriée. Eh bien, il se doit de répondre à la question, de répondre à la demande du questionneur en mettant de côté sa question mal formulée. Thalithan, إن الأشياء التي يجتنبها المحرم من الملابس قليلة معدودة وأما الأشياء المباحة فهي الكثيرة التي لا تعرف بالحد لأنها على أصل الإباحة ولهذا المعنى صرف النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل عما يلبسه المحرم إلى بيان ما لا يلبسه. Troisièmement, que les choses dont doit s'abstenir la personne en état de sacralisation comme vêtements sont peu nombreuses et peuvent être énumérées. Quant aux choses autorisées, elles sont nombreuses. Il n'est pas possible de les énumérer car elles restent dans la base de la licéité, la base de l'autorisation. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détourné la réponse, la question du questionneur par ce que la question du questionneur sur que doit porter le muhrim en expliquant ce qu'il ne doit pas porter. Rabi'an tahrimu hadhihi al-ashya al-malbusa khassatan bil-rajul wa amma al-mar'atu fayubahu laha labsu al-makhit wa taghtiyatu ar-ra's. Quatrièmement, que les choses citées interdites pour celui qui est en état de sacralisation sont propres à l'homme. Quant à la femme, il lui est autorisé de porter les vêtements cousus et ce qui lui est autorisé de couvrir la tête. Et lorsque l'on dit al-makhit cousu, ce n'est pas le sens littéraire, linguistique, le sens propre qui est voulu, mais le sens que les savants donnent à la parole al-makhit, c'est tout ce qui épouse la forme du corps ou de l'un des membres du corps. Et beaucoup ont cette ambiguïté en disant que ce qui est interdit, c'est ce qui est cousu, là où il y a de la couture. Or, ce n'est pas le sens qu'ont voulu les savants par ce terme. Par ce terme, ils veulent tout ce qui épouse l'un des membres du corps. Ainsi, le turban il est interdit car il épouse la forme de la tête. Les gants sont interdits car ils épousent la forme des mains. Les chaussons sont interdits car ils épousent la forme. Les pantalons car ils épousent la forme des jambes, etc. Et entre dans le jugement des choses interdites, les sous-vêtements également. Les t-shirts, les caleçons, les bermudas, etc. Tout cela entre dans l'interdiction car ils épousent la forme du corps ou la forme d'un des membres du corps. Donc, al-makhit, tout ce qui épouse les formes du corps, sont autorisés pour la femme, hormis bien sûr le niqab et les gants. De même qui que l'interdiction de se couvrir la tête n'est pas effective, bien sûr, concernant les femmes. خامسا منها القميص ونبه به على ما في معناه من كل ما لبس على قدر البدن مخيطا أو محيطا. Cinquièmement, le qamis. Et ici, le professeur Al-Sallam a expliqué tout ce qui a également le sens du qamis. Et tout ce qui est porté à la mesure du corps, qu'il soit cousu ou qu'il enveloppe le corps. Et ici, concernant le qamis, certains émettent des ambiguïtés à ce sujet. Certains disent Al-Qamis, vous pensez connaître la langue arabe, mais si vous regardez Al-Qamis, en langue arabe, ce n'est pas le Qamis dont vous parlez, vous, mais c'est la chemise. Et la réponse à cette ambiguïté est que il y a des preuves des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des athars qui prouvent que le qamis, c'est le thawb, qui est appelé dans d'autres pays le thawb, ce que l'on connaît, le qamis. La tunique, qui recouvre le corps, du haut du corps jusqu'au bas du corps, des épaules jusqu'au bas du corps. Et c'est le sens véridique du qamis. Et les preuves sont nombreuses. Il y en a deux. On pourrait en citer deux. Parmi ces preuves, il y a le hadith rapporté par Al-Bukhari, le hadith de Abdullah ibn Umar, que rapporte Shu'ba selon Muharib, selon Ibn Dithar. Que Shu'ba a questionné Ibn Dithar sur le hadith qu'a entendu Abdullah ibn Umar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. Que celui qui traîne son vêtement par ostentation, par orgueil, Allah ne le regardera pas le jour du jugement. Shu'ba a dit, j'ai dit à Muharib, est-ce qu'il a cité le Izar? Est-ce qu'il a cité le Izar? Est-ce que le professeur Hassam a cité le Izar? Le Izar qui est là? La partie basse qui couvre le corps. C'est le vêtement que l'on tourne autour de la partie basse du corps. Il y a l'Izar et l'Rida. L'Rida qui couvre la partie supérieure et l'Izar qui couvre la partie inférieure. Donc lorsque Shu'ba a entendu ou lui a été rapporté ce hadith de Abdullah ibn Umar, il a demandé à celui qui a rapporté, qui est Muharib, est-ce qu'il a cité Al-Izar? Et Muharib a répondu, il n'a cité ni Izar ni Qamis. Il n'a cité ni Izar ni Qamis. Il n'a pas donné de détails. Autrement dit que c'est un jugement qui est général et qui concerne tous les vêtements qui seraient traînés par orgueil. On verra, on l'a vu déjà, que ce n'est pas forcément par orgueil, que celui qui le fait par orgueil, son châtiment sera pire, mais que le fait de porter des vêtements qui dépassent les chevilles, même sans orgueil, que cela est interdit pour l'homme, bien sûr. Si le isbel, le fait de faire traîner ses vêtements, concerne le qamis, cela prouve que ce n'est pas une chemise. Est-ce que quelqu'un peut porter une chemise qu'il traîne sur le sol? Non. Donc cela prouve que, déjà, au temps du professeur Sam et des tabi'in, que c'est, le qamis est connu pour être un vêtement qui peut traîner. Donc ça ne peut en aucun cas être une chemise. Et également, il est rapporté par l'imam Abu Daoud et le hadith une chaîne de transmission bonne, le hadith d'Abdullah ibn Omar, que Abdullah ibn Omar a dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Izar concerne également le qamis. Ma qalahu sallallahu alayhi wa sallam fil Izar fahuwa fil qamis, ay fil nahi anil isbal, c'est-à-dire sur l'interdiction de traîner son vêtement et de le faire dépasser en dessous des chevilles. Donc ici c'est la parole de Abdullah ibn Omar qui dit que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur le izar vaut également pour le qamis. Ce qui prouve encore une fois que le qamis est bien le vêtement que l'on appelle qamis, qui couvre le corps du haut jusqu'au bas. سادسا ومثل البرانس والعمائم ونبه بهما على كل ما يغطى به الرأس أو بعضه من مخيط أو محيط من معتاد ونادر فيدخل القلانص والطواقي ونحوهما. Sixièmement, également les برانس, les djellaba ainsi que les turbans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ces deux choses pour montrer qu'il est interdit de couvrir la tête ou une partie de la tête. Que cette chose avec laquelle on couvre la tête soit cousue ou qu'elle soit enveloppée. Comme là, l'imam, hein. Le turban, est-ce qu'il est cousu? Non, c'est une longue étoffe de tissu qui est enveloppé autour de la tête. Min mu'tadin wa nadir. Comme chose habituelle ou des choses qui sont portées de façon rare. Des choses habituelles avec laquelle l'on se couvre la tête. Exemple. Et tawaqi, taqiya, les bonnets, des choses que les gens ont pour habitude de se couvrir la tête avec. Ou les choses plus rarissimes. Ceux, par exemple, qui se couvrent la tête avec un châle, par exemple, ou autre. Des choses qui sont beaucoup moins habituelles. Eh bien, dans les deux cas, que cette chose soit habituelle ou non habituelle, dans les deux cas, il n'est pas autorisé à l'homme en état de sacralisation de la porter. Et entre dans cela, comme dit Cheikh Al-Bassam, les bonnets ainsi que les tawaqi, ce qu'on appelle nous les chachia. Sabi'an wa minha al-khuffan wa ma fi ma'nahuma min kulli satir lil-ka'bayn min makhit aw muhit sawa kana min jild aw suf aw qutn aw ghayrihima. Également les chaussons ou tout ce qui a le sens de chaussons qui couvrent les chevilles, que ce soit cousu ou que ce soit enveloppé, qu'il soit de cuir, de laine, de coton ou autre. Thaminan, إذا لم نجد نعلين ونحوهما مما لا يستر الكعبين فليترخص بلبس الخفين ولكن ليقطعهما من أسفل الكعبين ليكون في معنى النعلين ويأتي في الحديث الذي بعد هذا اختلاف العلماء في ذلك وبيان الراجح منه إن شاء الله قال المجد بن تيمية واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجل. Et celui qui ne trouve pas de sandales ou similaires aux sandales qui ne couvre pas les chevilles, alors il lui est autorisé de porter des chaussons, mais il se doit de les découper pour qu'elle ne dépasse pas les chevilles, afin d'avoir le sens des sandales. Et il sera dit dans le hadith suivant, il sera cité la divergence des savants à ce sujet, à savoir, est-ce qu'il est obligatoire de couper les chaussons ou pas pour celui qui ne trouve pas de sandales? Est-ce qu'il doit obligatoirement les découper pour que les chaussons arrivent en dessous des chevilles? Et dans ce cas, il n'y a pas de mal. Ou est-ce qu'il lui est autorisé de porter les chaussons telles quelles sans avoir besoin de les découper? Et la divergence des savants à ce sujet sera citée dans le hadith suivant, le hadith de Abdullah ibn Abbas. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, et ils sont d'accord, c'est-à-dire les savants, sur le fait que l'interdiction ici concerne les hommes. تحريم الورس والزعفران وما في معناهما من أنواع الطيب لكل محرم من ذكر أو أنثى. Neuvièmement, on retient de ce hadith l'interdiction du mémécile et du safran et tout ce qui a leur sens comme catégorie de parfum. Et ceci pour toute personne en état de sacralisation, que ce soit un homme ou une femme. عشيران تحريم تغطية المرأة وجهها لأن إحرامها فيه وتحريم لبس القفازين على الذكر والأنثى. Également l'interdiction, on en retient l'interdiction pour la femme de se couvrir le visage selon les détails que l'on a cités tout à l'heure, et l'interdiction de porter des gants pour les hommes comme pour les femmes. 11. هذه الفائدة والتي قبلها لم تكن في السؤال في سؤال السائل ولكن لما ظن النبي صلى الله عليه وسلم جهل السائل بها بقرينة السؤال زاده النبي صلى الله عليه وسلم لبيان العلم وقت الحاجة إليه وعند مناسبته. La neuvième chose et la dixième chose citées, à savoir l'interdiction du mémécile, du safran et l'interdiction aux femmes de se couvrir le visage et de porter des gants, ne faisaient pas partie de la question du questionneur. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la certitude de l'ignorance du questionneur à ce sujet, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a apporté ce plus car il y avait un besoin d'apporter cette clarification. Il y avait un besoin d'apporter cette clarification et cela était dans le contexte également. Cela faisait partie du contexte. ثاني عشر لهذا اللباس الخاص بالمحرم حكم وأسرار كثيرة منها أن يكون في حال خشوع وخضوع بعيدا عن الترفه وزينة الدنيا وليتذكر بهذا اللباس حال الموت فيكون أقرب إلى المراقبة قال ابن دقيق العيد فيه تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها. Deuxièmement, ce vêtement particulier que doit porter le muhrim comporte de nombreuses sagesses. Notamment l'homme qui est en état de sacralisation, de quoi est-ce qu'il est revêtu? De deux morceaux de tissu blanc, l'un couvrant la partie supérieure de son corps, l'autre la partie inférieure. Il y a de nombreuses sagesses. Parmi ces sagesses, afin que la personne en état de sacralisation soit dans une situation de concentration, d'humilité et de crainte, loin de tout tarafouh, c'est quoi? De toute forme d'embellissement ou de surplus, loin de tout surplus et de tout embellissement mondain, afin également qu'il se rappelle à travers ses vêtements qu'il porte, la mort. Et cela lui permet de mieux faire attention à ses faits et gestes. Ibn Daqiq al-Aid a dit, le fait également de porter ses vêtements permet aux pèlerins de prendre conscience de l'énorme adoration qu'il est en train d'accomplir. Lorsqu'il sort de son habitude, et cela va l'amener, va le pousser à prendre un soin particulier, à accomplir les différents rites, que ce soit les rites de la Umrah ou les rites du Hajj, en respectant scrupuleusement les piliers, les conditions ainsi que les comportements que se doit d'avoir celui qui est en état de sacralisation. Donc le fait qu'il est dans cet état lui rappelle sans cesse qu'il est en train de faire cette adoration. Il sait qu'il n'est pas dans son état habituel. Il ne peut pas se parfumer, il ne peut pas porter des sous-vêtements, il ne peut pas se cacher la tête, il ne peut pas. Il y a beaucoup de restrictions qui le touchent et qui le poussent à prendre conscience à chaque instant qu'il est en train d'accomplir une adoration importante pour son Seigneur subhanahu wa ta'ala. ثالث عشر قال القاضي عياض أجمع المسلمون على أن ما ذكر في الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه بالسراويل والقميص على المخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطا كان أو غيره وبالخفاف على ما يستر الرجلين. Treizièmement, le قاضي عياض a dit, les musulmans sont unanimes que tout ce qui est cité dans ce hadith, que celui qui est en état de sacralisation ne les porte pas. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des pantalons et du qamis pour montrer tout ce qui épouse la forme du corps. Et il a parlé des turbans et des djellabas pour montrer l'interdiction de porter tout ce qui pourrait recouvrir la tête, qu'il soit cousu ou non. Et il a parlé des chaussons pour montrer l'interdiction de tout ce qui pourrait recouvrir les pieds. رابع عشر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزعه وعليه أن يفدي إما بصيام ثلاثة أيام أو نسك شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد بر ويجوز أن يفدي قبل فعل المحظور وبعده. Quatorzièmement, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, il n'appartient pas à la personne en état de sacralisation de porter une chose dont a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf en cas de besoin. Sauf en cas de besoin. Le besoin, comme le froid, dont l'on redoute qu'il rende malade, si la personne, par exemple, ne cache pas, ne se couvre pas la tête. Alors qu'il couvre sa tête selon le besoin. Et lorsqu'il n'en a plus besoin, alors qu'il découvre sa tête. Et il devra, après avoir fait cela, compenser cela en jeûnant 3 jours, ou bien en sacrifiant une brebis, ou bien en nourrissant 6 pauvres. À chaque pauvre, il donnera la moitié d'un sa'a, la moitié d'un sa'a de dattes ou d'orge ou de blé, ou un moud de blé, ou un moud de blé. Et il est autorisé de compenser avant d'avoir fait l'interdit ou bien après. Avant d'avoir fait l'interdit ou bien après. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou pas? Non? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit qu'il est interdit au muhrim de porter ce que le prophète sallam a interdit. Ça en est clair. Sauf en cas de besoin. Et l'exemple qu'a donné Cheikh al-Islam en cas de besoin, en cas de grand froid. Un froid tellement rude que si la personne ne se couvre pas la tête, elle tombe malade. Il y a des personnes qui sont sensibles au froid. Dans ce cas, il lui est autorisé de se couvrir la tête pour se protéger du froid. Il lui est autorisé tant qu'il en a le besoin. S'il n'y a plus de froid ou si le froid a diminué de telle sorte qu'il ne le rende pas malade, alors il se doit de se découvrir la tête. Après avoir fait cela, il doit expier. j'ai dit compenser, mais c'est plus expier. Yafdi, il doit expier le péché qu'il a fait ou la dérogation qu'il a utilisée. Il a le droit de l'utiliser à condition d'expier. Et l'expiation, c'est soit jeûner 3 jours, soit sacrifier une brebis ou un mouton ou un agneau, ou soit nourrir 6 pauvres en donnant à chaque pauvre la moitié d'un sa'a de dattes ou d'orge, ou le donner un moud de blé. Et il est autorisé à la personne d'expier avant d'avoir fait l'interdit, comme après. C'est plus clair ? طيب. فائدة المراد بالنهي عن لبس المخيط والمحيط هو اللبس المعتاد أما ارتداؤهما ونحوه فلا بأس. Et ici, Cheikh Al-Bassam fait une remarque en disant que ce qui est voulu par l'interdiction de porter ce qui épouse la forme du corps, ce qui est cousu ou ce qui est enveloppé, c'est ce qui est porté de façon habituelle. Quant au fait de les porter, il n'y a pas de mal. Quant au fait de les utiliser, il n'y a pas de mal. Quant au fait de les utiliser, il n'y a pas de mal. Donc ici, Cheikh Al-Bassam dit que ce qui est interdit, c'est de porter les vêtements cousus ou les vêtements qui ont la forme d'un membre du corps ou du corps, ou les vêtements qui ne sont pas cousus mais qui sont utilisés et qui sont enveloppés et qu'on enveloppe. Ce qui est interdit, c'est de les utiliser ainsi. Ce qui est interdit, c'est de porter un qamis comme on porte un qamis, en rentrant les mains, etc., en rentrant la tête. Par contre, par exemple, si tu utilises un qamis, et ça peut arriver, tu es dans l'avion, tu as bientôt passé le miqat, et tu te rends compte que tes vêtements d'ihram, tu les as laissés dans la valise qui est dans la soute. Tu ne les as pas pris avec toi dans le bagage à main. Ça arrive ou pas? Ça m'est arrivé le hajj dernier. Pas moi, mais un pèlerin. Akhi, j'ai un problème, oui? Mon ihram, il est en bas. Comment je fais? Comment on fait? Soit tu demandes à un steward ou à un membre d'équipage de te donner des couvertures et d'en faire une. T'en fais l'izar et l'autre t'en fais le rida. Mais ce qui est autorisé, par exemple, c'est d'utiliser ton khamis comme un izar. On peut utiliser un khamis comme un izar ou pas? Pour une personne qui est mince et qui a un khamis large, elle prend son khamis, elle ne le porte pas de façon habituelle, mais elle l'utilise pour cacher, par exemple, sa partie inférieure. Après, même si tu n'as pas de rida, ce n'est pas grave. Si tu caches de ton nombril jusqu'à ton genou, aux yeux de l'islam, tu ne montres pas ta aura. Tu peux sortir ainsi jusqu'à l'aéroport, et à l'aéroport, tu peux acheter un ihram, ou dès que tu récupères ta valise, et bien tu utilises ton ihram. Donc, le fait de porter ton qamis, condition qu'il couvre toute la partie inférieure de l'avion jusqu'au moment où tu vas récupérer ta valise, il n'y a pas grand chemin à parcourir pour arriver à ce but. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Ou un drap, ou quelqu'un qui a un vêtement plus large que tu pourrais utiliser comme un rida. Donc c'est ce qu'a voulu dire Cheikh Al-Bassam lorsqu'il dit que lorsque l'on les utilise, cela est autorisé. Lorsque l'on utilise un qamis, non pas pour le porter comme on le porte habituellement, mais pour en faire, par exemple, un rida. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك